Alors quel genre de joueur je suis? Un type qui joue l'offensive ou la défense? Ni l'un ni l'autre. Je m'adapte à l'adversaire. S'il aime attaquer, je le force à se mettre sur la défensive. Si c'est le genre plutôt prudent, je l'oblige à prendre des risques. Quand tu viens ici, petit, laisse ces conneries à la porte. Tu accapares chaque pièce comme si tu souffrais de les perdre. Tu veux mon roi? Alors il faut venir prendre mon roi. Les autres pièces ne sont qu'un moyen d'y arriver. Regarde juste la vie qui passe. Tu crois que du moment que tu ne coules pas, les choses vont comme il faut. Matt. Dans ma banlieue à des gens sérieux, la rue se confie à nous. Des Salvatore Rima, des Luke et Luciano. Les Smith c'est pas leur cours, c'est pas leur jour. Les soldats sont des pions, les fours restent collés à leur tour. Sont prêts à creuser pour leur four. La barre au sang plié, je me touche à, je te touche à. On tient comme mode wifi. Quand ton miroir te félicite, tu restes en vie. Un jour sera le roi de la jungle, enfin si tu restes en vie. RDV loin d'ici, c'est prévu, je vais pas te leur dire. L'ancien barou t'es rentré, on lâche, t'es pas vite sortir. J'aimerais parler d'autre chose, réponds. Quand on court, chacun sa drogue, sa dose, bouche ouverte comme une mégot close. Finir échec en trois coups. Certains s'en pivent là où tout le monde s'appelle mon poteau à partir d'un certain chiffre. Quand on a mangé des pierres, on respecte les pas du tout. Bascule les schmutes et tes assos te cherchent, échec qui marche. Fais pas le fou, t'es pas fou, je passe des FBI. J'envoie une photo de Kala retweetée par le FBI. Secret Society, j'ai dépassé la France, boy. Y'a ceux qui dansent et ceux qui mènent la danse. Sont comme un terrain de danse, 9-3 et comme drama. Notre budget qu'on crame, on rappe, on crée des dramas. 93 monsters, on respire juste par principe. On fait le max, c'est des fourmis qui flambent avec la Air Max. J'ai jeté du talent au peuple, au vrai au four. J'ai punché tout, j'ai fait le même coup que Jésus avec le rhombe. Qui parle assumera la colère. Loi unique, j'enraye ici qui paie les violons, choisis la musique. I need money, ma banlieue a un crime. Vivre et posséder la vérité à un prix, frère. S'empêcher de bomber le torque, même quand les pecs éclatent. Le roi est mort, Alger est mousse, le chèque est mort. Tout le monde part, personne ne baïonne. C'est chaud, le roi est mort, long vie au lion. Vive le présent d'hier et demain se revoir. Mis de côté ce que je veux pour faire ce que je dois. J'impose mon forme à l'air du au milieu des vautours. J'envoie, je réfléchis, hâte, j'aime penser comme les gens qui m'entourent. Planter c'est trop dans le steak de la vie, y'a jamais trop de graisse. Le temps se résume entre ceux qui espèrent et ceux qui progressent. Tous vers la mort, j'ai pas grand chose pour te rassurer. Même destination finale, seul change la durée du voyage. Comment je t'explique mon rap, que même l'effort est rare. Personne ne dicte mes pas, je suis mon propre chorégraphe. Les ennemis parlent la bouche fermée, c'est bien ce qui me semblait. J'ai toujours dit ce que je pensais, même quand ma bouche en tremblait. Même effrayé, j'ai jamais refusé de me battre. La peur au ventre, là c'est ton tour, échec et marche. Mon blaze annonce une mission, pas de matrix dans ma liste noire. Chaque mot raconte une vision, chaque cicatrice une histoire. Qu'un domaine t'es plus fort que ça, s'il te plaît, ne saoule pas. Les larmes qui coulent sont dures, mais plus sur son ciel qui ne coule pas. À devenir quelqu'un dans la rue, le frère apprend les nerfs à cran. La place appartient au premier qui la prend. Apprends à obéir avant de donner des ordres, petit. Le vrai ne dit pas ce qu'il fait, le faux ne fait pas ce qu'il dit. Je suis entouré de gens sérieux, qui ne veulent plus du jeu. Tu ne s'enflamme pas comme une mèche à la vue du feu. Je suis tout sauf un menteur, je rappelais vite dans ce que tous nient. Qui sont les traîtres en temps de guerre, demande à Ousmi. L'ambition en relief sur un échiquier de basse. Le fou prend la tour, fils de roi, je crois qu'il lui manque une casse. Des couilles, les chefs sont faits pour être tués, je te casse. Le roi est mort, un tir est mort, le chef est mort.